La double face, et alors si t'es un as, mais t'as ragué, ça y est, parce que si c'est pas la grâce, c'est peur qu'il t'en est pas vela. La garotte se crase et vite le drame, la mort complète se tire avec le plaisir, c'est le plus gros plaisir, mon sang, j'en suis confus, t'es confus, la vie dans le cul, car les murs sont sans solant, on tire à volant, les gosses qui en ont la rue et les femmes au volant, le franc qui me console, et dit hors du sol, on va les espoirs d'un ciel, alors on est sale, on en charge, j'ai les bras qui sont ma tante, c'est brutal. Comme avec un c'est vilain, j'ai les barbes à l'arrestation sur la spéciale. À la violence égale, en son pensant mental. Les cris obscurs qui me font mal. Ce qui paraît anormal, que mes rages qu'un sali pas. Ce paraît si facile que des concepts qui ne finissent. Ça paraît pas, paraît comme pas vite. Ça paraît qu'on met ce silence d'attendre. Que le silence s'effondre, que le silence s'effondre. On fait mal au cul, mal à ton épargne. J'ai dit mal à part, j'en ai mal au crâne. Et c'est ce pauvre, c'est que ça va exploser. On frappe le pays pour une vie apaisée. On fait avec une vie aisée. On fait du ligne avec les arrêts. Moi je saute, elle moi tout court. La religion est sur le toit. Ouais, j'pèse mes mots, j'pèse mes mots. J'pèse mes mots. J'ai les cœurs pour converser. Marque la page dans des bars comme Orlando. J'traverse le pays, marquant les esprits. Le MJ, la manque du terme. Un don, baisse la France, aux écrits se plongent. J'en la mode ici, qui c'est. Tous les temps sans les petites attentions, les remarques, ça fait mouche. Je remonte dans un peu sourd, aussi sèche que mon revers. Sur ma vie aux cheveux clairs, les yeux bleus pâles verts. Sans mon contre petit section polaire. Son cristal noir, bijoux en cristal chinois. Comme d'hab, je me noie, je bats comme Benoît. Je me noie, je bats comme Benoît. Ok. Mais qui est sûr qu'on fait mal au cul. Et là, c'est des barrages. J'ai mal à la barre, j'en ai mal au crâne. Si c'est son progrès, c'est que ça va exploser. Je me frappe bébé, juste pour une vie apaisée. Obèse avec une petite équipe. En fait, je roule avec les tarés. Moi, je peux faire une noix de trop. La religion sur le dos, ouais, j'pèse mes mots. Ouais, j'pèse mes mots. J'pèse mes mots. J'pèse mes mots. J'pèse mes mots. Obèse avec une petite en featuring avec une tarée, moi je peux bien noix de coco. La religion sur le dos, ouais j'pèse mes mots. J'pèse mes mots, ouais j'pèse mes mots. J'pèse mes mots. J'pèse mes mots. J'pèse mes mots.